Sainte Bible selon saint Jérôme, second livre des Rois, chapitre 25. Or il arriva, en la neuvième année du règne de Sédécias, au dixième jour, au dixième mois, que Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint, lui et toute son armée, contre Jérusalem. Et ils l'investirent et y construisirent tout autour des fortifications. Ainsi la ville fut enfermée et fortifiée jusqu'à la onzième année du roi Sédécias, au neuvième jour du mois. Et la famine régna dans la ville, et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Et une brèche fut faite à la ville, et tous les hommes de guerre s'enfuirent durant la nuit par la voie de la porte qui est entre le double mur, près de la porte du jardin du roi. Or les Chaldéens assiégeaient tout autour la ville. C'est pourquoi Sédécias s'enfuit par la voie qui conduit aux plaines du désert. Et l'armée des Chaldéens poursuivit le roi, et le prit dans la plaine de Jéricho. Et tous les combattants qui étaient avec lui furent dispersés et l'abandonnèrent. Ayant donc pris le roi, ils l'amenèrent au roi de Babylone, à Réblatha, lequel prononça contre lui un arrêt. Quant aux fils de Sédécias, il les tua devant lui, puis il lui creva les yeux, le chargea de chaînes et l'emmena à Babylone. Au cinquième mois, au septième jour du mois, c'est la 19e année même du roi de Babylone, Nabuzardan, chef d'armée, serviteur du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Et il brûla la maison du Seigneur et la maison du roi. Et il consuma les maisons de Jérusalem et toute espèce de maison. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec ce chef de soldats détruisit les murs de Jérusalem tout autour. Quant à l'autre partie du peuple qui était restée dans la ville, et aux transfuges qui avaient passé au roi de Babylone et au reste du bas peuple, Nabuzardan, prince de la milice, les transporta à Babylone. Et il laissa d'entre les pauvres, les vignerons et les laboureurs. Mais les colonnes d'airain qui étaient dans le temple du Seigneur, et les bases et la mer d'airain qui étaient dans la maison du Seigneur, les Chaldéens les brisèrent, et ils transportèrent tous les reins à Babylone. Les marmites d'airain aussi, de même que les pelles, les tridents, les coupes, les petits mortiers, et tous les vases d'airain avec lesquels on faisait le service dans le temple, ils les emportèrent. Le prince de la milice emporta également les encensoirs et les patères, ce qui était d'or à part et ce qui était d'argent à part, c'est-à-dire les deux colonnes, la mer et les bases qu'avait faites Salomon dans le temple du Seigneur. Il n'y avait pas de poids pour l'airain de tous ces vases. L'une des colonnes avait 18 coudées de hauteur, et le chapiteau d'airain de dessus était de 3 coudées de hauteur. Et il y avait un réseau et 2 grenades sur le chapiteau de la colonne. Le tout était d'airain. La seconde colonne aussi avait un semblable ornement. Le prince de la milice emmena aussi Sarayas, le premier prêtre, et Sophonias, second prêtre, et les 3 portiers, et un eunuque de la ville qui commandait aux hommes de guerre, et 5 hommes qui étaient toujours devant le roi qu'il trouva dans la ville. Et Sopher, le prince de l'armée, qui exerçait les jeunes soldats pris d'entre le peuple du pays, et 60 hommes du bas peuple qui avaient été trouvés dans la ville. Nabuzardan, chef des soldats, les ayant pris, les amena au roi de Babylone à Réblatha. Et le roi de Babylone les frappa et les tua à Réblatha dans la terre des Mattes. Ainsi Juda fut transféré hors de son pays. Quant au peuple qui était resté dans la terre de Juda, qu'avait laissé Nabuchodonosor, roi de Babylone, il mit à sa tête Godolias, fils d'Ahikam, fils de Saphan. Ce qu'ayant appris tous les chefs de soldats, eux et les hommes qui étaient avec eux, à savoir que le roi de Babylone avait établi Godolias pour gouverneur, Ismaël, fils de Nathanias, Johanan, fils de Caré, et Saraya, fils de Tanéhumet, le Netophatite, et Jésonias, fils de Mahakati, vinrent vers Godolias à Masfa, eux et tous les leurs. Et Godolias leur jura à eux et aux leurs, disant, « Ne craignez point de servir les Chaldéens. » Et Godolias leur jura à eux et aux leurs, disant, « Ne craignez point de servir les Chaldéens. Demeurez dans cette terre et servez le roi de Babylone, et vous serez bien. » Or il arriva au 7e mois après, Ismaël, fils de Nathanias, fils d'Elisama, de la race royale, vint à Masfa et 10 hommes avec lui. Et ils frappèrent Godolias qui mourut, et aussi les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec lui. Et se levant, Tout le peuple, depuis le petit jusqu'au grand, et les chefs des soldats, vinrent en Égypte, craignant les Chaldéens. Mais il arriva qu'en la 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, au 12e mois, au 27e jour du mois, Évil-Mérodac, roi de Babylone, en l'année même qu'il commença à régner, tira Joachim, roi de Juda, de prison. Et il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient auprès de lui à Babylone. Et il changea ses vêtements qu'il avait eus dans la prison, et Joachim mangea toujours du pain en sa présence tous les jours de sa vie. Il lui assigna aussi sans interruption des vivres qui même lui étaient donnés chaque jour par le roi, tous les jours de sa vie. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en français avec des notes par l'abbé Glaire. Pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.